tourner le truc en boucle, faut que ça ranime comme si c'était ce bruit là. Solitude m'épaule, sans bébé beau, ton jus de ça tu le captes. On fera pas pencher la balance, la libre à ballon, trop de face patente. Y'a de la merde à refendre sur tes pompes chialant. Elle paille échiardée, pas comme un discours chiapa. En roue libre au chromis, ça cogne, perc si c'était les Oscars. Toujours pas d'entraque, toi c'est de l'anthrax qu'on déverse. Les deux yeux sur l'asphalte, même quand on se garde, si y'a du que j'aperde. C'est salaud, je rime, aussi bien que c'est triste quand le quotidien s'étise. Gros, je pas maigri, finir amnésique m'apparaît plus paisible quand le train-train nous accable. Dans le casque, y'a sac et zaka. Je me sens comme à l'usine, 24 sur 7, 28 ans, Tokyo Star, trop de projets stagnent. Procédé crade à rythmer le quotidien, y'a tout qui me gaffe. Aucune extase, donc je me donne un coup de main. C'est j'rappe pour rien, je m'arrache plein de faces qui battent mon vécu de chien. Cherche l'oseille pire qu'un saoudien, mais je pillave trop pour finir rien. Encore dégueulasse, la famille, les autres ils sont par terre. La vérité nous met hors game parce qu'ils nous voient bombarder. Si, je chie sur ton hip-hop si tu savais à quel point je m'en tape des zoulous. J'ai bien mieux à faire, j'ai un grain comme un track dès qu'il abise Wu-Tang. Comme un fil de gauche, quoi qu'il arrive, poussez vous, j'passe la 6. J'encule la littérature, j'ai pas écrire sans faute, pourtant ma rime t'assassine. Tu peux entendre mon blast de Seis à la ville, ouais. De Seymar à Paris, c'est Kaya, pas un texte à la va-vite. Je les vois qui s'allument pour chi, pour tes broutilles, pour un bouchi, t'as un boule ou une pussy, ouais. C'est les calibres qui argumentent, génération matrixée. Bellex a fini en drame la plupart du temps. Encore un one shot où je fais pas les bacs. C'est authentique, y'a pas de vanne, et puis c'est plus simple à mixer. Fais péter le son, que je le kick une fois de plus. Que je le torque une fois de plus, que je le baisse une fois de plus. Fais péter le son, que je le kick une fois de plus. Que je le torque une fois de plus, que je le baisse une fois de plus. Fais péter le son, que je le kick une fois de plus. Que je le torque une fois de plus, que je le baisse une fois de plus. Fais péter le son, que je le kick une fois de plus. Que je le torque une fois de plus, que je le baisse une fois de plus. J'suis plus Ben Laden que Ben. Sous sang, mon cerveau, mes poches sont vides, les porcs conspirent. J'nique cette douce France. Son douille coincé entre un tas de problèmes, un tas de cesse. Bois qu'avec des gaz qui rattrapent des sales textes. Tu vas encore m'endormir par terre. Au petit matin, j'ai qu'une chaussure de tromèche dans chaque bras. Disais pendant les yeux de ma mère, encore un truc qui m'embarrasse. J'suis né ici, j'me comporte comme les gens de là-bas. J'suis pas venu pour peinard, j'suis venu pour prendre ta place. Les fils de Saint-Bernard, roulant Skoda, sont des salopes, j'arrive bourré en ville. J'suis dans le rétro, j'tombe les rapports. Souvent j'parle de changement, j'ai pisté le bonheur, fais ce qu'il est qu'un fond plante. Trouver une clique qui craque sans manche. La vérité une rote, claque en cache des milliers d'autres. Pensez de piller de barre. Pensez à ceux pour qui je suis pire des potes. Quand c'est la survie, y'a pas de plan de secours. J'suis pas juste dans mes calculs, ouais. Va falloir en reprendre le double. Hey. J'rabats les cartes et flaque les cartes. Se creuse perplexe, j'vois que les réponses à mes questions s'arrêtent à part ce que. À part ce cœur à t'offrir, j'ai nada. Écrémer l'entourage, tu veux un service, va capter Nadal. La balle, je la renvoie, sachant pas viser, ça va dans ta gueule. Là, j'me contrôle pas quand devant un queue, mes patates en marreuse. On baisse ta reste si tu nous invites pas. Bien des braves, je suis loin au point de même plus qu'à la les inquime pas. On s'incline pas, toi savoir tes défunts. Le sens des priorités, je fais vite mon choix en gagnant et des fringues. Saboter des freins, j'sais plus m'arrêter quand j'ai passé le cap. J'garde un flot d'élevant, fène les meufs sur les prods à Zerkrat. Sac en dave dans l'habitacle, Nestor a enlevé ses grolles. Dans profondeur abyssale, t'y croiseras que la guerre des égaux. L'écho se fait rare lors des appels à l'aide. Je négocie pas, je veux plus de ces plans qui peuvent à peine aller. Fais péter le son, que je le kick une fois de plus. Que je le torque une fois de plus, que je le baisse une fois de plus. Fais péter le son, que je le kick une fois de plus. Que je le torque une fois de plus, que je le baisse une fois de plus. Fais péter le son, que je le kick une fois de plus. Que je le torque une fois de plus, que je le